Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer à évoquer les start-up dans le Grand Est, une émission co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, on se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors, la région Grand Est décide depuis plusieurs années d'accompagner la création d'entreprises innovantes, génératrices d'emplois et de nouvelles activités à fort potentiel. Ces entreprises font partie des start-up et l'objectif de cette émission est de vous faire donc découvrir la diversité de l'activité de ces sociétés qui ne sont pas toujours en lien avec les nouvelles technologies. Et cette semaine, nous allons, Francine, continuer comme la semaine dernière, eh bien, d'avoir des journalistes en herbe qui viennent du lycée Georges de la Tour et qui sont donc en DCG, en diplôme de comptabilité de gestion. Alors, peux-tu à nouveau, Francine, nous rappeler quelle est la finalité de cette formation? Alors, cette formation est une licence, donc licence au cours de laquelle, pendant ces 3 années, les étudiants vont passer 13 unités d'enseignement pour valider le diplôme. Et à l'issue de cette licence, soit ils travaillent, ils trouvent très facilement du travail, soit ils poursuivent vers un master ou vont directement vers l'expertise comptable. Expertise comptable, pour être expert comptable, il faut quand même 8 ans d'études. 8 ans, donc, ouais, c'est du il travail. Leur reste plus que, il leur reste plus que 5 ans. Après, c'est, bah oui, c'est tout à voilà. fait. Mais quand on est motivé, Francine, on réussit toujours à atteindre son objectif. Alors, donc, on va donc retrouver donc, tout au long de cette émission des étudiants qui vont donc nous présenter différentes start-up. On va retrouver donc tout de suite nos premiers invités. Bien, on va retrouver maintenant donc 3 autres étudiants, Valentin, donc Alexandre et Léo, qui vont nous montrer que les nouvelles technologies peuvent être au service de la médecine. Et bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Bonjour Alexandre, bonjour Léo. Alors comme ça, réduire les douleurs, les consommations d'anxiolytiques et la durée du séjour post-opératoire à l'hôpital grâce à la réalité virtuelle, c'est vraiment possible? Il me semble, Alexandre, que vous avez essayé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Valentin. J'ai pu m'intéresser à la start-up HypnoVR, à l'origine de laquelle on retrouve 2 médecins anesthésistes réanimateurs, qui ont fondé une start-up du nom de HypnoVR dans le Grand Est. Leur but est de permettre la mise à disposition de matériel lié à la réalité virtuelle auprès d'organismes médicaux dans des buts thérapeutiques afin de faciliter l'utilisation de l'hypnose à des fins médicales grâce aux nouvelles technologies. Mais c'est super ça. Je suis très curieux d'entendre comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il serait important avant de rappeler ce qu'est l'hypnose. Il me semble que vous avez fait des recherches dessus, non Léo? Pourriez-vous nous expliquer cela? Alors bien sûr, l'hypnose c'est un état de conscience modifié naturel. C'est même l'état transitoire entre le sommeil et l'éveil. Donc, c'est-à-dire que tout le monde passe au moins 2 fois par jour dans cet état hypnotique. Mais en réalité, vous pouvez vous en douter, c'est beaucoup plus. Et est-ce que vous avez une idée de quand cela pourrait être? Donc, quand on s'endort, quand on se réveille, pour le beaucoup plus, je vous avoue que je ne vois pas. Par exemple, est-ce que vous avez le permis? Oui, j'ai le permis. Ça vous est déjà arrivé d'être, comme on pourrait dire, en mode autopilote et de conduire sans vous en rendre compte? Oui, souvent, sur le trajet du travail même. Eh bien, cela, c'est un état de conscience modifié, comme l'hypnose. Et est-ce que l'hypnose, c'est risqué? Est-ce qu'on peut rester bloqué comme on l'entend? Alors non, c'est un état naturel, mais globalement, il n'y a aucun risque et on ne peut pas rester bloqué sous cet état d'hypnose. Si rien ne se passe, on va rebasculer naturellement vers un autre état de conscience, que ce soit l'éveil ou le sommeil. Et du coup, vous nous dites qu'on peut réellement soigner avec l'hypnose? Eh oui, l'hypnose, ce n'est pas réservé qu'au spectacle. Elle présente aussi des vertus médicinales, comme pour faciliter le combat contre les addictions ou les divers troubles du comportement ou encore la dépression. C'est intéressant ce que vous me racontez. Mais dites-moi Alexandre, pourquoi utiliser l'hypnose plutôt que les traitements habituels? Tout simplement Valentin, car ça peut être moins brutal ou stressant de recourir à l'hypnose pour le patient. De plus, si on l'associe avec la réalité virtuelle, comme le propose HypnoVR, on peut alors se retrouver totalement immergé dans un univers totalement personnalisé et immersif. C'est magnifique ce que vous me dites là. Mais concrètement, comment cette start-up arrive-t-elle à mettre à disposition des moyens de soigner grâce à la combinaison entre hypnose et technologie? Alors, c'est assez simple. Elle fournit aux établissements partenaires un casque virtuel et audio, ainsi qu'une tablette qui, combinée à une application, permettre justement de rendre totalement opérationnel pour une expérience personnalisable leur procédé. Vous avez mentionné que cela était personnalisable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est personnalisable. Rien que la durée, dans un premier temps, où elle peut être programmée pour 10 minutes, 20 minutes, ou être à durée libre. On peut aussi choisir la langue entre 10 choix possibles, ou encore même la voix qui peut être masculine ou féminine, ainsi tout simplement que des scénarios virtuels ou même des accompagnements vocaux comme de la musique. Ah oui, c'est vraiment complet. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour utiliser cette technologie ? Alors non, en réalité il peut y avoir des séances d'hypnose dites pédiatriques pour les moins de 13 ans et des séances d'hypnose dites standard pour les plus de 13 ans. C'est une vraie découverte pour ma part et j'avoue être agréablement surpris. Merci Alexandre et Léo pour cette présentation et à bientôt pour notre prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Alors, Hypnovert, alors j'ai une petite question. Alors, comment vous. Hypnovert ? VR. VR, alors. VR, Virtual Reality. Ah, oui, voilà, c'est VR. Voilà, Virtual Reality. Alors, moi, j'ai quand même une autre question à vous poser. Donc, est-ce que vous avez testé cette réalité virtuelle ? Oui, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester dans un des établissements partenaires le matériel fourni par Hypnovert. Donc, j'ai pu faire une séance en programmant la durée, la voix, ainsi que le décor. Et pour ma part, j'ai trouvé ça assez efficace. Et malgré justement que ce soit quand même du matériel plus ou moins ancien, c'est pas le plus optimal, mais j'ai quand même trouvé ça vraiment pas mal et une plus-value par rapport à l'hypnose habituelle, entre guillemets. Donc voilà, donc Hypnovert, c'est une réalité. Il y a des hôpitaux qui ont donc déjà signé des partenariats. Oui, complètement. Bien, on va retrouver maintenant Mathis et Elias qui vont nous présenter une entreprise qui innove en termes de gaming, c'est GameStream. Alors oui, en effet, on a une pépite à vous présenter aujourd'hui, une entreprise basée à Nancy qui repousse les limites du gaming. Nous parlons bien sûr de GameStream, une entreprise qui révolutionne le monde du jeu vidéo avec son approche novatrice du streaming. Elias, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr Mathis, GameStream a mis au point une plateforme de streaming de jeux vidéo qui permet aux joueurs de vivre une expérience de jeu sans précédent. Imaginez, vous pouvez jouer à vos jeux favoris sur n'importe quel appareil sans avoir besoin d'une machine surpuissante. C'est une véritable révolution dans l'industrie du jeu vidéo. Et ce qui rend GameStream unique, c'est leur engagement envers la qualité. Ils ont développé une technologie de compression vidéo avancée qui garantit une qualité d'image exceptionnelle tout en minimisant la latence. Pour nos éditeurs qui ne sont pas familiers avec le terme, la latence est un délai entre l'action que vous effectuez sur une manette et celle que vous voyez à l'écran. Avec GameStream, c'est quasiment instantané. C'est effectivement un point crucial, Mathis. Rien de plus frustrant que de subir une latence importante lorsqu'on joue à un jeu vidéo. GameStream a vraiment compris l'importance de cette fluidité dans l'expérience de jeu. Exactement, Elias. Et ce n'est pas tout. Ils ont également fortement axé sur l'accessibilité. Plus besoin de débourser des sommes astronomiques pour du matériel de jeu haut de gamme. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet décente. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils travaillent en étroite collaboration avec des développeurs de jeux pour élargir leur bibliothèque. Que vous soyez fan de jeux AAA à gros budget ou que vous préférez les petites pépites indépendantes, GameStream a quelque chose pour vous. Absolument Elias. Et pour nos auditeurs qui s'intéressent à la localisation, GameStream ne se limite pas à Nancy. Ils s'étendent progressivement leurs services dans d'autres régions, ce qui en fait un acteur majeur dans le monde du streaming de jeux. C'est vraiment passionnant de voir comment ils élargissent leur influence. Et pour nos auditeurs curieux, vous pouvez en savoir plus sur GameStream en visitant leur site web à l'adresse gamestream.com. Vous y trouverez toutes les informations sur leurs services, leurs partenariats et leurs dernières actualités. C'est vraiment intéressant et j'ai l'impression que vous êtes des fans de jeux vidéo tous les deux, non ? Ça peut être le mot, c'est vrai. Voilà. Bon, et donc, je crois que je vais m'y mettre, hein. Ils ont bien vendu le truc. Ils ont bien vendu. C'était le but. Voilà, et donc, est-ce que vous avez testé GameStream ? Moi, je n'ai pas testé GameStream, mais du coup, j'avais testé une autre, comment on dit ? Une autre plateforme qui propose les mêmes services, assez connue, c'est Nvidia GeForce Now. Et du coup, j'ai testé. Franchement, ça marche pas mal. Et puis, ça fait plaisir de voir qu'on a dans notre ville à Nancy une boîte qui se lance dans ce domaine-là. Et puis voilà, ça, c'est local, donc ça fait plaisir. C'est l'occasion, avec l'Instant Écho, de découvrir justement des startups locales qui se développent et qui ont besoin donc justement du soutien donc de radios comme Radio Fadjet pour leur faire connaître effectivement leur activité. Ouais. Bien, on vous remercie à tous les deux. Merci à vous pour cette présentation intéressante. Merci beaucoup. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. On va passer tout de suite à un coup de cœur musical des étudiants de DCG. I've seen the devil down sunset in every place in every face. Like she don't want the limelight, but if you knew it, she lives a lie. it's running back to me. Put it in the veins, pray your soul to keep. Ooh, ooh, every night, every night. She brings to the sky flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. I know that you see me. Time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm alright. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, oh, oh, I know what she needs. Oh, she just wants the fame. I know what she thinks. Oh, give it a little taste, running back to me. Oh, put it in her face, pay yourself to keep. Ooh, ooh, every night, every night. She brings to the sky. All she ever wants is begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Body fuck on me cause you know I'm popular. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Eating it, money, I'm keeping it. I'm getting can, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Popular, born to be popular. She ain't that 20 mil, but she running up. She can never be broke cause she popular. Turn the webcam on for the followers. Faking on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. On va retrouver maintenant une autre start-up, donc Car Bike, qui va être présentée donc par Tekin, Jules et Ismaël. Alors bonjour à tous, avez-vous déjà pensé à délaisser un peu vos voitures pour des vélos? Les vélos électriques, les cargos, ça semble être la nouvelle tendance. Ah ouais, les vélos électriques sont rapides, écolos, tout en évitant la fatigue. Ça pourrait changer nos déplacements. Ah ouais, dans tout ça, les cargos, à quoi ça sert? Les vélos cargo remplacent les voitures pour transporter des choses. C'est une façon intelligente de contribuer à la durabilité urbaine. Et avez-vous déjà entendu parler de Carbike? C'est un service de vélo électrique en libre service, ça pourrait être cool pour des déplacements rapides. Ça fonctionne comment exactement? Alors tu télécharges leur application, et à partir de là tu peux localiser, déverrouiller et louer un vélo électrique à 4 roues en un clin d'œil. Ils ont aussi intégré des fonctionnalités sympas, comme des itinéraires optimisés, des statistiques de trajet, tout ça dans le but de rendre l'expérience utilisateur la plus agréable possible. C'est pas mal du tout. En plus, si on combine ça avec les pistes cyclables et tout ça, ça peut vraiment changer la donne. Oui, ça pourrait être sympa d'essayer. Ça éviterait les problèmes de trafic en voiture, par exemple. Exactement. Les vélos, les carbikes, ça pourrait être le début d'une façon de se déplacer en ville plus verte et plus libre. J'en ai entendu parler, mais comment elle arrive à se démarquer des autres? Alors Carbike, ça se présente comme un acteur majeur dans le domaine de la mobilité durable. Leurs vélos, ils sont équipés d'une technologie avancée, notamment des systèmes de géolocalisation et de suivi. Ça permet une gestion optimale de leur flotte et offre une expérience utilisateur vraiment fluide. Mais tu as également parlé de 4 roues sur un vélo tout à l'heure, ça semble bizarre, non? Ouais, au début ça peut sembler étrange, mais en réalité ça améliore considérablement la stabilité. C'est idéal pour transporter des charges sans risquer de basculer. Je vois, oui, la stabilité c'est vraiment bien, mais l'autonomie de 75 km c'est vraiment impressionnant pour un véhicule aussi imposant. Comment ils font ça exactement? Eh ben en fait ils ont mis une batterie de 750 watts, déjà ce qui est assez costaud, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'ils ont optimisé l'aérodynamisme de la carrosserie, et ils ont aussi ajouté un panneau solaire et récupèrent de l'énergie au freinage. Ça permet d'étendre sérieusement l'autonomie. Attends, tu parles de panneau solaire sur un vélo là? Absolument, ils ont intégré un panneau solaire à la carrosserie. C'est pas seulement écolo, ça contribue aussi à recharger la batterie pendant que tu roules. Ok, ça commence à avoir du sens. Mais ça va pas limiter ou ralentir le véhicule par exemple? Non, pas vraiment. Avec leur conception aérodynamique et la puissance électrique, tu peux te déplacer rapidement et efficacement. C'est pas juste un vélo cargo, c'est un moyen de transport intelligent. Ça a l'air génial, mais ça doit coûter une fortune, non ? Pas forcément. Le coût est dans la fourchette des vélos cargo électriques haut de gamme. Mais avec toutes les fonctionnalités qu'ils offrent, ça vaut vraiment le coup si tu cherches quelque chose de fiable et innovant. Et avec leur conception de localisation, ça limite énormément les coûts si certains des clients ne souhaitent pas les acheter. Donc ça a un grand impact sur l'environnement. Tout à fait, Tekin. Ces vélos contribuent à réduire les émissions de carbone, ce qui en fait une alternative écologique au mode de transport plus traditionnel. En plus, ils ont un modèle économique basé sur des partenariats locaux pour la maintenance et le rechargement des batteries, soutenant ainsi une économie circulaire. Sympa. Est-ce qu'ils proposent des avantages pour encourager les gens à utiliser leur vélo de manière régulière ? Ah ouais, ils ont pensé à ça aussi. Ils offrent des incitations pour inciter à une utilisation régulière. C'est comme s'ils voulaient vraiment rendre leur service attractif pour tout le monde. Ça sonne bien, on devrait peut-être essayer un jour. Qu'est-ce que vous en dites ? Complètement d'accord, ça pourrait être une façon sympa de changer nos habitudes de déplacement. Merci pour l'info détaillée, monsieur Jules. Pas de souci. D'ailleurs, en parlant de ça, ça vous dirait qu'on organise une petite sortie à vélo ensemble un de ces jours pour tester ça ? Avec plaisir. Avec plaisir. Et juste une question à Nancy, si je veux disposer de ce véhicule, je peux ou vous savez si à Nancy Alors pour le moment, ils n'en ont pas encore fait, là ils sont dans la phase de développement et ils veulent chercher à commencer par des petites villes, mais c'est basé en Alsace, du coup ils commenceront sûrement par Strasbourg. D'accord. J'allais justement vous poser la question, parce que l'objectif de cet instant éco, c'est de découvrir les startups donc, locales dans le Grand Est, donc c'est une startup donc, alsacienne. Ouais. Et donc, si j'ai bien compris, qui propose soit à la location, soit à la vente. Oui, exactement. Actuellement, ils ont commencé à développer plusieurs versions. Il n'y en a pas une définitive, mais c'est en cours, oui, exactement. Bon, en tout cas, oui, c'est effectivement 75 km d'autonomie, c'est intéressant. Hein, donc, je serai un des premiers à pouvoir, Francine, tester Carbike. Bah, pourquoi pas ? Voilà. Et bon, l'avenue de Boufflers, maintenant, sans difficulté. Ah oui, hein, plus voilà. Besoin de bus. Vous vous joindrez à nous pour la balade. Voilà, voilà, on va vous rejoindre pour la balade. Merci à tous les trois pour cette présentation de Carbike. Et bah, merci à vous pour l'accueil. Merci. On va passer tout de suite à un coup de cœur musical des étudiants de DCG. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. These beautiful you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Alors pour terminer donc cette émission de l'Instant Éco consacrée aux startups donc du Grand Est, on va retrouver donc Zacharia et Léo qui vont nous parler donc de DAO Devi. Donc Léo, est-ce que tu peux nous partager avec nos auditeurs ce qui a inspiré la création de DAO Devi et comment la marque s'est engagée dans la voie de la mode éco-responsable ? Absolument. La création de DAO Devi, elle découle d'un séjour au Vietnam. Celui-ci, il a profondément marqué l'expérience de son créateur. Initialement, donc, son objectif, c'était d'assister à des ateliers dans le contexte vietnamien. Par contre, il a été frappé par les conditions de fabrication alarmantes des jeans. Et les problèmes émanent non seulement de l'exploitation des familles, mais aussi des produits utilisés pour le délavage, qui se déversent dans l'eau et polluent l'environnement. C'est ainsi que tout a commencé, avec une vision de créer des vêtements plus respectueux des travailleurs et de l'environnement. C'est une belle initiative. Parlons maintenant des matériaux qu'ils utilisent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sélection des matières premières écologiques pour les vêtements et comment cela contribue à sa mission ? Bien sûr. Chez DAO Devi, ils sont très attentifs au choix des matériaux. Donc le lin qu'ils utilisent pour les jeans, par exemple, il vient des Vosges et donc ils utilisent des matières premières locales. C'est admirable. J'aimerais en savoir plus sur la gestion de la production. Comment DAO Devi s'assure-t-elle que chaque étape de la fabrication est aussi respectueuse de l'environnement que possible ? Alors, ils ont mis en place des processus de production durables, donc en optimisant l'utilisation des ressources, en réduisant les déchets. De plus, ils collaborent étroitement avec leurs fournisseurs locaux pour assurer aux consommateurs que les fournisseurs ont un engagement envers la durabilité à toutes les étapes de la production. Et enfin, une des spécificités de DAO Devi, c'est que non loin d'un magasin, il y a toujours un atelier pour retoucher le produit. Ainsi, ils empêchent les transports inutiles et les émissions de CO2 liées au transport. Parlons maintenant des consommateurs. Comment pensez-vous que les habitudes d'achat des consommateurs peuvent contribuer à promouvoir la mode éco-responsable ? Alors les consommateurs, ils ont un rôle essentiel à jouer. Donc en choisissant des marques éco-responsables, ils influent sur l'industrie de la mode et ils encouragent d'autres entreprises à opter des pratiques durables. Il est également crucial d'éduquer les consommateurs sur la durabilité afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées lors de leurs achats. Est-ce que tu as une idée des projets futurs passionnants pour DAO Devi ? Alors, du coup, ils ont des projets de développer leur gamme de produits éco-responsables et aussi de développer de nouvelles innovations durables. Donc, ils prévoient aussi de déménager au plus près de la clientèle en se rapprochant de la place Stanislas à Nancy. Nous serons impatients de suivre l'évolution de DAO Devi. Donc, merci à toi, Léo. Merci à vous. C'était un plaisir de partager l'engagement de DAO Devi envers une mode plus durable à vos auditeurs. Alors une mode durable parce que vous l'avez évoqué, hein, donc DAO Devi ne fabrique pas ses jeans avec le coton, hein, mais avec du lin. Et moi j'ai appris que la France était première productrice mondiale de lin. Oui. Hein, donc voilà. Et pourtant seulement quatrième consommatrice de ce produit. De ce produit, hein, voilà. Et DAO Devi va progressivement s'élargir parce que je crois qu'ils ont lancé un sac à main, justement, là aussi, à base de lin. Donc là, ils vont passer de la rue Saint-Nicolas à la prestigieuse place Stanislas. C'est quand même extraordinaire, je trouve. Voilà, une belle réussite. Et on avait eu l'occasion, il y a quelques mois, de recevoir justement DAO Devi dans l'Instant Éco. Alors je vous propose de retrouver un extrait de l'interview qu'ils nous avaient accordé. Quand vous est venue l'idée de vous lancer dans la production de jeans en France ? Alors en fait, ça arrivait très tôt. J'ai eu la chance très tôt de savoir ce que je voulais faire dans la vie. C'était à l'âge de 11-12 ans déjà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par des chemins de traverse. Mm-hmm. Parce que mes parents n'ont jamais voulu que je fasse de la mode. Et ils m'ont dit, tu auras ton bac. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai directement embrayé sur... travailler à mes 18 ans tout simplement et en fait j'ai voulu faire dans le jean parce qu'à l'âge de 14 ans je suis tombé j'ai acheté mon premier jean neuf et trop grand. Il faut savoir que je suis issu d'une fratrie de 8 enfants et je suis troisième en partant de la faim. Autant vous dire qu'à l'époque quand vous avez des frères et sœurs et que vous donnez entre guillemets, vous léguez entre guillemets les jeans des uns et des autres, et ils arrivent forcément dans un bon état, surtout quand vous êtes en bout de course. Et donc, par rapport à ça, voilà, j'ai voulu en faire mon métier très tôt, en me disant, bah voilà, j'aurai une entreprise, enfin, j'aurai une marque de fringues, et ensuite, forcément, ça a découlé sur la création d'une entreprise. De mes 18 jusqu'à mes 24 ans, j'ai été salarié d'entreprise qui était dans le secteur du jean déjà. J'étais vendeur, puis responsable adjoint, puis responsable de boutique. Voilà, toujours en bout de chaîne, on va dire. Et puis après, j'ai décidé d'être tout en haut de la chaîne, et là, je suis parti pendant un an. C'est ça, vous êtes parti un an au Vietnam pour comprendre, hein, c'est ça, comment s'organiser l'industrie du vêtement, puisque bon nombre de vêtements qu'on achète sont fabriqués là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? Des choses à ne pas faire, en fait. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, le Vietnam fait partie de ces pays à bas coût. C'est un très beau pays, mais effectivement, dans la fabrication de jeans, c'est une vraie plaque tournante. Aujourd'hui, on fabrique beaucoup de produits textiles là-bas. Et donc, moi, je suis resté un an dans le sud, à Ho Chi Minh Ville. Pays et ville dont sont originaires mes deux parents. Et du coup, par rapport à ça, j'ai vu effectivement ce qu'on peut voir dans les émissions de télé aux grandes heures d'écoute, c'est-à-dire en fait des endroits vraiment véritablement insalubres. Je suis tombé dans des ateliers, si on peut appeler ça des ateliers, avec un toit en tôle, quatre murs, sans climatisation, 40 degrés avec 80% d'humidité. Donc c'est vrai que c'est des choses qui marquent. Et la valeur ajoutée de mon produit, c'est est-ce qu'à l'époque, je voulais véritablement le faire de la sorte ? La réponse était non, parce que j'avais envie encore de pouvoir me regarder dans une glace, parce que certains des personnes que j'ai pu côtoyer avaient l'âge de ma nièce à l'époque, c'est-à-dire 11-12 ans, et travaillaient voilà, à peu près 39-45 heures semaine pour être payé une centaine de dollars par mois. Quoi. Mmh. Donc tout ça fait que j'avais pas envie de reproduire ça. C'est pas parce que tout le monde est en train de sauter par la fenêtre que on ne doit pas faire un pas de côté, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un pas de côté, j'ai regardé ce qui était en bas. Alors effectivement, le trou est profond pour l'instant, on ne voit pas le bout, mais de la fabrication à l'étranger, mais je pense que là, les lignes sont en train de bouger. Et du coup, par rapport à ça, j'ai décidé de rentrer en France un an plus tard. Donc j'avais 25 ans à l'époque, j'ai décidé de faire autrement. J'ai acheté des machines sur des sites de petites annonces. Voilà. Mmh. Je me suis installé dans mon studio de l'époque qui faisait 21 mètres carrés à l'époque. Et par rapport à ça, donc j'ai 4-5 machines et j'ai commencé à fabriquer des jeans comme ça. Et certains de mes clients qui m'ont suivi en fait, de l'époque où j'étais salarié m'ont suivi dans cette aventure entrepreneuriale. Eh bien voilà, Francine, ainsi se termine donc cette émission de l'Instant Éco. On a eu donc vraiment des témoignages intéressants de ces étudiants du lycée Georges de la Tour. Donc, on le rappelle. En DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, voilà, c'est une licence. Voilà, une licence qui prépare donc au métier d'expertise comptable. Voilà. Hein, voilà. Eh bien, merci à eux pour cette présentation des différentes startups. Alors, si vous avez pris l'émission en cours, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de Radio Fadjet, puisque toutes les émissions de l'Instant Éco sont à retrouver en replay. Eh bien, Francine, on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle émission de l'Instant Éco. Mais bien sûr, Jérôme, avec plaisir. Eh bien, d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.